tout le temps du monde. Ah! Le pincement de l'aiguille dans ma veine, le cathéter entortillé en S sur mon avant-bras. 22h30, une pluie torrentielle s'abat sur les fenêtres inclinées de l'arcologie, brouillant le spectacle sur le centre-ville étincelant et la zone sinistrée qui crépite encore au-delà. « Fais gaffe, tu veux! » Le masque lavande de mon médecin, ses yeux clairs, impassibles. Il acquiesce discrètement, fixe le tube avec du ruban adhésif et retourne au dialyseur. Sa main tremble lorsqu'il actionne les commandes. Il a peur de moi. Quel luxe! Le bourdonnement subtil de la machine s'ensuit, réassurant. Des bulles claires filent à travers des fioles bleutées. C'est la fine pointe de la thérapie par augmentation des gènes. Le sérum qui coule dans mes veines entretient une combinaison de mutations qui prolonge la vie. Ma vie. Et parlons pas du prix. Bordel, il tombe vraiment des clous. Le cuir du fauteuil craque quand je me réajuste. Je suis pas confortable. Contre la nuit électrique, la vitre me renvoie une réflexion fantomatique. Seuls les traits les plus clairs s'arrachent à l'obscurité. Le col de ma chemise, l'intérieur de mon avant-bras et les angles familiers de mon propre visage. Ces pommettes aiguisées comme des lames de couteau. Ces arcades pénétrantes. Nous sommes que des sacs de viande, après tout. C'est la condition humaine. Le déclin codé à même nos gènes. Ces naissances, autophagie, cancer, nécrose. Dans le reflet brouillé par la pluie, jaillit la notion horrifiante que je pourrais mourir, me noyer dans cette noirceur sans fond. Puis, dans le vertige, la certitude que je renoncerai à aucun moyen pour éviter le néant. Sans hésiter, je sacrifierai chaque espèce sur ce putain de globe pour reculer l'inévitable, ne serait-ce qu'une minute de plus. J'ai de la difficulté à m'habituer à ces rendez-vous avec ma propre mortalité. C'est pas les aiguilles ou les machines, ni la conscience que le complexe militaro-industriel qui permet cette technologie est aussi celui qui empoisonne la vie de milliards de pauvres cons dans je ne sais quel désert de merde. Non. Ce qui me dérange, c'est de voir la saleté aux frontières même de mon empire, ces ghettos qui pullulent toujours de plus en plus près du centre-ville. C'est un sale spectacle. La boucherie et le barbecue ont fait rage pendant des heures après que le behemoth soit tombé. Puis les pompiers ont tenté de contrôler les flammes. Seule la pluie tropicale a eu raison du brasier, qui crépite maintenant en crachant des plumes de fumée noire, traçant des traits de fusain contre la nuit orangée. Le torrent s'est jeté comme une couverture sur la métropole, assourdissant jusqu'au son des hélicoptères, des autopatrouilles et des ambulances. Forcée par la douche froide, ma sobriété me rappelle ce que je tente d'éradiquer à chaque traitement, chaque chirurgie, chaque nouvel implant. La pluie a beau ruisseler dans les artères lumineuses de la métropole comme le sérum dans mes veines. Elle suffit pas. Si seulement l'averse pouvait jaillir en raz-de-marée, déferler des grands boulevards luminescents jusqu'aux capillaires dégueulasses des ghettos, récurer les bas-fonds et jeter toute cette crasse dans le fleuve, que le courant traîne ses immondices jusqu'aux profondeurs abyssales de l'Atlantique et qu'on les oublie à jamais. Mais voilà, il y a un pattern. Moi, je suis expert des patterns. Je sais lire dans les tendances et tirer mon épingle du jeu, puis changer les règles et enfoncer les épingles dans les yeux de mes rivaux. Or même ça, ça peut pas durer non plus. Ces coquerelles de l'autre côté de la barricade, ces barbares aux frontières de mon empire, ils veulent vivre, aussi fort que je veux vivre, et ils peuvent pas s'en empêcher. C'est dans leurs gènes comme dans les miens. et l'ironie perfide. Ce qui me dérange au plus haut point, c'est que, d'une certaine façon, j'ai besoin d'eux. Besoin comme un roi a besoin de sujets. Besoin comme un virus a besoin d'un autre. Besoin comme un PDG a besoin de légions de pauvres imbéciles qui entretiennent l'espoir. Ouais. Qui avalent vraiment l'idée qu'ils ont la moindre chance de trouver une place à l'archéologie. Les cycles se succèdent. Les tendances s'émergent. La finalité se dessine. Ma chute. Ma mort. Aujourd'hui, il était pratiquement à mi-porte. Trop tard, heureusement. Le paradigme va changer avec l'événement K. Je suis née pour défier l'inévitable. J'ai tout le temps du monde.